السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، quand vous rencontrez des gens qui sont en islam et principalement les koufars, qui ont souvent tendance à vouloir débattre sur les religions, sur l'existence, sur la création, que ce soit des athées, que ce soit des gens qui se disent croyants, ou d'autres qui le sont vraiment parmi les musulmans, ou quoi ça. Il y a souvent une question qu'il faut être posée, déjà pour pouvoir mettre des points sur les i avec les gens dans le débat, et que la plupart ne savent pas répondre. Les gens, tu parles avec eux, tu leur dis pourquoi tu existes. Donc de là, tu vas entendre, comme on dit, des belles et des pas mûres. La philosophie, des scénarios à tout va. Et les meilleurs d'entre eux vont se bloquer et vont dire c'est vrai qu'en fait, j'ai jamais réfléchi. Beaucoup d'entre eux, on va dire les plus véridiques, les plus honnêtes, qui connaissent pas la réponse, hein, je parle, bien sûr, vont se bloquer et vont dire c'est vrai que j'ai jamais réfléchi à ça. Et d'autres vont te dire, on a été créé pour faire le bien. On est taïeb. C'est quoi le bien? C'est vaste comme calimette, le bien. Toi, tu vas faire un bien, d'autres vont le voir comme étant un mal. Pour toi, c'est un bien ce que tu fais, et l'autre va voir c'est un mal. Donc comment on va être d'accord? On va rester dans les divergences entre nous, dans les désaccords, et nous, on veut partir sur une base commune. Donc on dit cette réponse-là, quand Allah Azzawajal fait kitab al-Karim, وَمَا خَرَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ que je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. D'accord ? Donc de là, on connaît la raison de notre existence sur Terre. C'est adorer Allah Azzawajal. Maintenant, quand tu as affaire à un athée, le discours ne sera pas forcément très convaincant pour lui. Ça, c'est autre chose. On met de côté. Et quand tu as affaire à des gens du livre, qui se disent croyants, ou même des gens qui n'ont pas de religion, qui sont, comment dire, irreligieux dans le sens où ils s'apparentent pas à une religion particulière, mais ils disent, je crois en un créateur, je crois à ceci, mais les religions, moi, j'y crois pas trop parce qu'elles viennent de la main de l'homme, elles servent l'intérêt de l'homme, et ainsi de suite. D'accord? Tu lui dis, donc, ce créateur, pourquoi t'as créé, pourquoi t'es là? Quand tu regardes, mathalen, l'univers, et principalement la terre sur laquelle on vit, tu regardes, tout est parfait. Il va dire, oui, c'est vrai. Donc, tout est régi, tout est en place, tout est ordonné. Donc toi, t'es là pourquoi? Là-dedans. Tu vois? Toi, pourquoi tu es là? Tu n'es pas venu comme ça, sans raison. Donc tu as un rôle à jouer. Quand tu regardes bien cette terre-là, tout ce qu'il y a sur terre, bah, c'est l'homme qui contrôle, de façon générale. Quand la ta'ala, ou allazi khalaqakum min fil ardi jami'a, il est celui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur terre. Donc regarde bien, tu dis c'est l'homme qui contrôle sur terre, de façon générale. Les animaux, souvent, lui obéissent. Et ils apprivoisent. C'est lui qui fait... c'est lui qui a raison, en fait. Et bien sûr, on peut pas... C'est une chose qu'on peut pas dénier. Donc après, les gens, quand on leur dit ça, les croyants disent ça. Ceux qui n'ont pas vraiment mété ce verset, t'en as plein, hein, parmi les gens de l'islam, tu leur demandes, ils n'arrivent pas à te répondre forcément. Mais quand tu dis le verset, on dit ça. C'est vrai. J'ai pas pensé à ça. Donc là, on voit justement le but de la création de l'homme et du djinn également. Car les djinns et les hommes sont les mukallafoun, sont ceux sur qui s'imposent les charges religieuses. وَحِنَّمَا أَرْسَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا إِلَى الْيَمَنِ parce qu'on va l'envoyer Ali au Yémen en tant que da'i, il lui a dit au Mu'adh ibn Jabal, Mu'adh ibn Jabal, ce qui est aussi un hadith envoyé à Ali, mais le hadith que je citais, c'est celui de Mu'adh ibn Jabal. Il lui a dit, إِنَّكَ سَتَكُومُ عَلَى قَوْمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَلْ مَا تَدْعُوا إِلَيْهِمْ أَنْ يُوَحِدُوا اللَّهِ أَوْ فِي رِوَيَا عِبَادَةُ اللَّهِ. Donc lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal, en tant que prédicateur aux gens du Yémen, qui était encore à l'époque des gens du livre, il a dit, tu vas te rendre auprès d'un peuple des gens du livre. Donc la première chose à laquelle tu les appelles, c'est qu'ils unifient Allah. qu'ils adorent Allah. Et d'ailleurs, dans le verset, وَمَا خَرَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, que je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent, Ibn Abbas, il a dit, أَيْ أَنْ يُوَحِدُ اللَّهِ, qu'ils unifient Allah dans l'adoration. Ensuite, une fois qu'on a su pourquoi on existe, et notre rôle, et notre tâche sur terre, ensuite, il faut qu'on se mette d'accord, c'est quoi l'adoration? On a dit, il faut adorer Allah. On était créé que pour ça. Donc maintenant, c'est quoi l'adoration? Car souvent, les gens, quand on te dit que tu es créé pour adorer Allah, ils s'imaginent tout de suite, ambiance, t'es comme un moine dans un monastère. Et du matin au soir, tu es dans ce genre de choses. On dit non. En islam, c'est pas ça que ça veut dire. Ça y est. Donc d'abord, il faut savoir qu'est-ce que l'adoration. L'adoration, c'est une définition qu'on cite souvent, celle de Cheikh al-Islam Taymiyyah, rahmallahu ta'ala. Dans son kitab al-Ubudiyya, il dit « Al-ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal-a'mal al-zahira wa batina » Il a dit que c'est un nom d'ensemble, d'accord, qui regroupe tout ce que Allah aime comme parole et comme acte, qui sont des choses apparentes, externes ou internes. D'accord ? Et vous le savez, c'est ça la foi. Al-Iman, c'est, on en a parlé, c'est qol bil lisan, ou i'tiqad bil qalb, ou amal bil jawarih. Que la foi, c'est ça. C'est des paroles, une croyance dans le cœur et des actes des membres. Donc ton adoration se regroupe là-dedans. Dans ce que tu vas dire. Dans ce que tu vas avoir comme croyance. Et comme intention, comme on va en parler. Et surtout, comment tu vas agir. Donc, quand on a compris cela, on voit que l'adoration, c'est une chose qui est très large, très vaste. Ou amin al-ibadat, parmi les adorations, on a nos cinq piliers. Vous voyez, les cinq piliers que vous connaissez, les shahadatan, la salah, la zakah, Ramadan et le Hajj. Ça, ce sont des adorations qui sont indispensables. Et elles sont apparentes. Elles sont apparentes. Et la plus importante d'entre elles, parmi les actes des membres, c'est la salat. On l'a fait 5 fois par jour. Au minimum. Et les shahadatan, c'est une chose qui revient à la langue et qui ressort du cœur et qui va apparaître à travers ces piliers qu'on va appliquer. Car attester qu'il y a de dignité, digne d'être adoré en dehors d'Allah, et que Mohammed est son messager, implique que tu vas agir. Tu attestes de cela, donc cela implique que tu vas agir. Comment? Justement, en fonction de ce que Allah il aime. D'ailleurs, comme parole et comme acte. Et ces paroles et ces actes, pour qu'ils soient, comme on dit, acceptés et qu'ils soient valables, comment tu vas les connaître? C'est là que vient la deuxième shahada qui est Anna Muhammad Rasulullah. Que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est son messager. Donc, par le messager, tu vas savoir comment faire tes adorations. Par la sunna. D'accord? Comme encore l'air Azza wa Jal, wa ma atakumu rasulu fakhuzuhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Ce que le messager vous a donné, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, éloignez-vous-en. Wa akaza. Wa qad qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man amila amalan lisari amruna fawa radd. Celui qui va faire un acte qui ne fait pas partie de notre enseignement, il sera rejeté. Donc ça veut dire on suit la sunna. Vous voyez? Donc maintenant, on dit comment on sait une chose que Allah il aime? Ce qu'on dit, c'est quoi l'adoration? C'est faire ce que Allah il aime. Comment on sait ce que Allah il aime? Tout simplement ce que Allah dans son Coran a ordonné ou ce dont il a fait l'éloge. Ou alors ce qu'il a interdit. D'accord? Ce qu'il a interdit. Donc quand Allah il donne un ordre dans le Coran, c'est qu'il aime cela. Donc quand on l'applique, c'est quoi? Une adoration. Quand Allah Azzawajal dans le Coran, il vante une chose, c'est qu'il aime cela. Donc quand on l'applique, c'est quoi? Une adoration. Et quand Allah Azzawajal dans le Coran, il interdit une chose, c'est-à-dire qu'il ne l'aime pas. D'accord? Il ne l'aime pas. Donc nous, la délaisser, ça devient une adoration. Donc on comprend maintenant l'adoration, c'est quoi? C'est agir en fonction de ce que Allah Azza wa Jal veut de nous ou ne veut pas de nous. Et shart muhim, condition importante, notre intention. Comme dans la taqwa, on est pris dans la taqwa, c'est que dans ton cœur, tu as l'intention de faire cela pour Allah. Pas par coutume, pas par émotion, pas par suivi des gens. Tu le fais pour Allah. Et c'est là que tu seras en adoration. C'est là que tu seras en adoration. Donc on voit que le muslim est en adoration dans ce qu'il fait comme acte légiféré et ordonné dans l'islam, qui sont apparents, et d'autres choses qu'il va faire que personne ne va voir. Et il sera en adoration. Contrairement aux gens du livre qui sont en adoration que dans leur kanis, hein, dans leurs églises, dans leurs synagogues. Il n'y a que là. Le chrétien, le nasrani, il a en adoration quand il va à l'église, à la messe. En dehors de cela, il n'est pas en adoration. Il sort de l'église, il est monsieur tout le monde. El Yahoud Kazalik. Seul le musulman est en adoration dans tout ce qu'il va faire quand il met une intention. D'ailleurs, quand il met une intention. Et d'ailleurs, pour que ton acte soit accepté, shart al asasi al muhim, première condition, c'est que tu sois sincère, tu fasses pour Allah. Innam al amal bin niyat. Que les actes ne valent que par l'intention. Il y a déjà première condition de validité que tu voles Allah Azawajal parce que tu vas faire comme acte. Première chose. Si jamais tu veux autre que lui et que c'est une adoration, tu tombes dans le shirk, le pire des péchés. C'est-à-dire, en apparence, les gens vont te voir faire un acte qui, à la base, est légiféré, et pourtant, ton cœur est pour que Allah. Qu'est-ce que tu auras fait? Le pire des péchés, pire que tuer quelqu'un. Et personne ne s'en rendu compte à part Allah. À ce moment-là. Et ça, c'est grave. Donc, à la base, tout part de notre cœur, notre niya. Et cette niya, quand tu la places dans des actes communs, bah, tu es en adoration. Quand tu manges du halal, tu manges un plat que tu aimes, qui est halal, tu as pris du halal pourquoi? Parce que Allah Azzawajal t'a interdit de manger de la chair morte. Donc tu obéis. Donc en mangeant ce halal, tu es en quelle situation? En adoration. Tu vas être là, par exemple, au chicken, tu manges un chicken avec des frites, avec telle sauce, d'accord? Et bien les gens, ils pensent que tu te rassasies, dis naam, et j'adore Allah. Pourquoi? Parce que ce que j'ai mangé, c'est ce qu'il aime. C'est halal. Donc quand tu es niya, tu es en adoration. Quand tu vas dans un endroit pour acheter des choses, des vêtements, vous voyez, parmi les vêtements à porter, on le licite, tu vas porter ce vêtement pourquoi? Pour cacher ta awra, tes parties intimes, et tu vas choisir un vêtement qui sera en conforme avec la législation, et bien tu seras en adoration. Quand tu vas te marier avec une femme, tu choisis une femme qui te plaît bien sûr physiquement, et également qui rentre dans tes attentes religieuses, vous voyez, tu seras en adoration. Quand tu seras marié avec elle, même quand tu auras des rapports avec elle, vous voyez, l'Iyanan Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand qu'ala les sahaba, wa fi bid ahadikum, sadaqa, il a dit dans le rapport d'entre vous, qu'il est avec sa femme, il y a une sadaqa, une aumône. Et ils ont dit, ayati ahadana, ahaduna shahawata, elle a kullahu fi ajr. Est-ce que l'un d'entre nous, lorsqu'il va avoir ses rapports, il aura des récompenses? Qu'ala, رأيتم لو وضع في الحرام لكان عليه وزر فكذلك وإذا وضع في الحلال كان له فيه أجر. Il a dit, s'il avait fait dans le haram, qu'est-ce qu'il aurait eu? Un péché. De la même manière, s'il fait dans le halal, qu'est-ce qu'il aura? Une récompense. Donc même dans ce genre de choses, tu as une récompense. قال النبي صلى الله عليه وسلم لي سعد بن أبي وقاص قال له وما أنفقت شيئا تبتغي به وجه الله حتى ما تجل في في مرأتك إلا أجرت عليه وما نفقت نفقة أيوة تبتغي بها وجه الله حتى ما تجل في في مرأتك إلا أجرت عليه. Là, tu n'auras pas dépensé une chose de ton argent par laquelle tu veux le visage d'Allah, même ce dont tu nourris ta femme, et tu auras voulu pour cela le visage d'Allah sans que tu n'en tiennes récompense. Donc quand tu vas faire tes courses pour toi en premier lieu, pour ta famille, pour les gens, et tu cherches à plaire à Allah, tu es en adoration. Donc l'adoration, c'est large. Car les gens, quand on leur dit, on est décrit pour adorer Allah, ils s'imaginent, tu fais salat du matin au soir. Tu dis non. La salat, c'est une adoration parmi tant d'autres. Certes, c'est un pilier, c'est vrai. Mais la salat, qui nous est obligatoire, elles sont de 5 par jour. Le reste du temps, qu'est-ce que je fais? Je suis pas au masjid, forcément. Je peux être au masjid pour faire des chose dérogatoire, certes, mais je peux être occupé à mon travail. Ton travail, tu fais un travail qui est halal, dans une condition halal, un agent halal, c'est quoi ton intention? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas, par exemple, travailler dans un garage et pas dans une banque? Pourquoi tu choisis de travailler dans le commerce, par exemple, de nourriture halal et pas d'alcool ou de porc? Pourquoi? Parce que le premier, t'es permis et le deuxième, t'es interdit. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis une intention. De quoi? D'obéissance. Tu es en adoration. Les koufars, ils ne voient pas comme ça. Donc, tu lui dis, voilà. Donc, ma vie, elle est pour Allah, Azawajal. Et c'est en adoration. D'accord? Donc, tu dis aux gens, j'étais créé pour ça. Pour obéir à Allah. Voilà mon but. Et voilà le but de ton existence à toi aussi. Donc, en fait, Allah, Azawajal, par cette religion, c'est comme si, on va dire à l'image, quand tu regardes les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont de deux formes. Il y a celles qui sont universelles, qu'on appelle kauniyya, celles sur lesquelles tout le monde est soumis. Tout le monde y est soumis. Mu'minun wa kuffar. On est tous soumis. Par exemple, tu es obligé de dormir. Au bout d'un moment, un être humain, il faut qu'il se repose. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Il s'écroule. L'être humain va aux toilettes parce qu'il a mangé ou autre. L'être humain a besoin de boire. L'être humain transpire. L'être humain sort du ventre de sa mère, c'est un fœtus, ou plutôt c'est un an, il est rentré dans le ventre de sa mère, c'est un fœtus, après un embryon, ou plutôt un embryon, après un fœtus, ainsi de suite. Après, il sort bébé, après, il grandit. Qui c'est qui a décidé cela? Est-ce que tu sors adulte? Tu sors pas adulte. Tu commences en étant petit. Après, tu grandis. Après, tu vieillis. Et après, tu meurs. Qui a décidé de cela? C'est Allah Azawajal. Donc, ces lois-là, on est tous soumis. Donc, les gens, tu leur dis, est-ce que tu peux empêcher tes cheveux de pousser? Tu pourras pas. Tu pourras te raser, tu vas te raser tous les jours, tu pourras pas empêcher de pousser. À part peut-être si tu fais une opération spéciale où on t'enlève tes racines, tu auras dû faire, on va dire, une chose spéciale. Sans quoi tu peux pas. Tes ongles, tu peux les empêcher de pousser? Tu peux pas les empêcher de pousser. Est-ce que tu peux t'empêcher de vieillir? Les gens, c'est leur rêve de pas vieillir. Et tu pourras pas. Tu vas vieillir, tu vas te courber, tes cheveux vont blanchir, tu vas t'affaiblir, et après tu vas mourir. C'est inévitable. Donc, le Coran, Allah, il le dit. Donc, tu lui dis qui a décidé cela? C'est Allah, Azawajal. Donc, il t'a fait des lois auxquelles tu es soumis de gré ou de force, physiquement. Donc, on rentre tous dans ces lois-là et elles sont parfaites. Et ben, tu lui dis, à côté de ça, il a fait des lois législatives sur lesquelles il a laissé au mukallaf, c'est-à-dire l'homme et le djinn, de choisir s'il les veut ou s'il les veut pas. S'il les veut, il les choisit, il sera un croyant. Et il verra que son corps est en harmonie avec les restes de la création, et qu'également, son âme sera en harmonie avec l'ordre de son Seigneur. Donc, il sera bien. Mais celui, dans le sens contraire, qui n'aura pas voulu accepter de se soumettre, eh ben, lui, il sera pas bien. Ça, l'exemple, une personne, à la base, être humain, tu vois, il a 4 membres. 2 bras, 2 jambes. Si on l'ampute d'un bras, il sera incomplet. Il va manquer quelque chose. Il sera pas optimal dans ses activités, dans ses agissements. Il sera pas comme tout le monde. Et lui-même, il verra qu'il y a un manque. Tu dis pourquoi? Car tu seras sorti de ta base dans les lois universelles. À la base, tu as 2 mains. Tu n'en as plus qu'une. Tu es sorti de la base. Donc, tu auras un manque dans tes activités. Au même titre, si demain tu n'acceptes pas la foi, eh ben tu auras un manque dans ton cœur. Tu seras incomplet. Tu auras un mal-être. Pourquoi? Car tu n'auras pas accepté de te soumettre aux lois législatives. Donc au même niveau, tu seras handicapé. Mais ce sera intérieur, ça ne se verra pas. Donc c'est pour ça que tu verras les koufars, ils ne sont pas bien. Car il leur manque un élément. Tout comme lui, cet homme mutilé, il lui manque un bras, eh ben eux, il leur manque quelque chose. C'est quoi? La foi. Dans leur cœur, il y a un truc qui n'est pas comblé. C'est pour ça qu'ils sont pas bien. Tu vois. Vois-toi à l'image d'une locomotive qu'on met sur des rails. Reste sur les rails, t'avances tout droit. Tu vas arriver à destination. Sors des rails, ou prends une déviation, tu vas sortir de la destination qui t'est imposée où tu vas dérailler. D'accord? Ben, l'islam, prends-le comme toi, un train sur des rails, juste tout droit. Je sors pas des rails. Ces rails, c'est ma destination, et c'est la voie que je dois suivre, et je dois aller tout droit. Celui qui ne veut pas suivre ces rails-là, le train, il sort des rails, il se déraille, il tombe. il s'écroule, ou alors il prend une déviation, il part ailleurs. Il se perd. Il va pas au Doual, il va pas aller à la bonne gare. Il va finir, je ne sais où, à Marseille, il va finir à, je ne sais où, à Toulouse. On dit, c'est pas là que tu devais aller, toi, tu veux aller à Marseille. Eh ben, les gens sont comme ça. Les gens, qui ne sont pas sur l'islam, eh ben, ils ont déraillé. C'est pour ça qu'ils sont pas bien. Donc, pour revenir à cette intention dans les adorations, sachez que l'intention, même sans agir, peut te valoir des récompenses. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. Qu'il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم que Allah عز وجل il a écrit les hasanat, bonnes actions, والسيئات qui sont les mauvaises. Et après il a éclairci cela. ثم قال فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة. Celui qui a voulu faire une bonne action mais qui n'a pas pu la faire malgré lui, Allah lui écrit une bonne action complète. Du fait qu'il ait voulu la faire. Donc il est en adoration. Mais il a eu un empêchement. D'accord ? Il n'a pas pu la faire. وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمِلْهَا وَفَعْمِلَهَا فَوَنْ كَتَبَ اللَّهُ عِنَّهُ عَشْلَ حَسَنَةٍ لِسَبْعِمِيَةٍ إِلَى أَدْرَافٍ كَثِيرًا. Et que celui qui a voulu faire l'action et qui l'a accompli, Allah lui décuple par 10, jusqu'à 700 et même encore décuplé. C'est-à-dire une action, quand Allah s'en veut, peut être décuplée. À beaucoup. Plus tu auras une intention forte, plus tu la feras bien, plus elle sera décuplée. وَمَنْ هَمَّ بِسَيَّةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَ اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. Celui qui a voulu faire une mauvaise action, mais ne l'a pas faite. Pourquoi ? Par crainte d'Allah Azza wa Jal. Pas parce qu'il n'a pas pu, par exemple, il a voulu aller en haram, et il n'y a plus d'essence. Il dit bon, c'est mort pour ce soir, j'irai pas. Là, par de quelqu'un qui a voulu faire un mal, et avant d'y aller, il s'est dit, c'est pas bon ce que je vais faire. Il se rétracte. Il pense à Allah Azza wa Jal, il craint Allah Azza wa Jal. Ben, celui-là, كتب الله عنده حسنة كاملة. Car Allah lui écrit une hasana complète. Pour avoir délaissé cet acte mauvais qu'il comptait faire. Il l'a délaissé pour Allah, donc il avait l'intention de plaire à Allah. ومن هم بسيئة فعملها كتب الله عنده سيئة واحدة. Et que celui qui a voulu faire un mal et qui va le faire, Allah va lui écrire une seule mauvaise action. Une seule mauvaise action. Regardez bien, la bonne action, elle va de 10 jusqu'à 700, voire plus. La mauvaise, juste une mauvaise action. Vous voyez ? Et ça, c'est pour qui, ça ? Pour le croyant. Sincère. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. Seulement, il leur a été seulement ordonné de ne vouer un culte exclusif qu'à Allah. C'est ça qui t'a été ordonné, c'est d'être sincère dans l'adoration. Quand tu adores, tu le fais que pour Allah. Et d'accomplir la salat, de s'acquitter de la zakat, et voici la religion de droiture. Donc c'est là qu'on se différencie des autres. Entre nous, les autres, c'est que les croyants, les muslimouns, ils adorent Allah Azza wa Jal, et ils sont sincères, et l'unifient dans l'adoration. T'en as d'autres, ils vont te dire, moi je suis monothéiste, je crois en un seul Dieu. En détail, Yeb, et t'adores qui ? Je vais te dire, j'adore Dieu. Et tu vas le faire voir à côté, faire des adorations pour autre que Allah. Pourquoi ? Parce qu'il sait pas que c'est l'adoration ce qu'il fait. Il sait pas que ça c'est une chose que Allah a décrété que c'était pour lui à la base. Parce qu'il lit pas le Coran, il connaît pas la Sunna. Donc il va se perdre. Comme on dit, le train, il a déraillé. Comme ça m'est arrivé une fois un débat avec une personne qui me disait ça. Il m'a dit, nous on fait des offrandes pour nos ancêtres. On les invoque. Je lui dis, le sacrifice c'est pour Allah. Il dit, non. Moi, je dis pas que c'est des dieux, il dit. Je sais que c'est vrai, ils n'ont pas créé le monde, il n'y a rien du tout. Mais on fait ça pourquoi ? Pour qu'ils nous apportent protection. Je suis qui c'est qui va te protéger justement ? C'est ça que tu n'as pas compris. Et celui qui a créé tout ça, qui a créé tes ancêtres, c'est lui qui va te protéger. C'est pas eux, ils sont morts, ils peuvent rien faire pour toi. Il dit non, il insiste. Tu vois. Il dit on les invoque. Pourquoi tu les invoques ? Ils t'entendent pas, ils sont morts. Tu vois. L'invocation n'est que pour Allah Azza wa Jal. Et l'invocation, c'est l'adoration. T'as Ad-du'a ou al-ibada. Que l'invocation, c'est l'adoration. Il dit non. Ils invoquent pour qu'ils m'apportent telle et telle chose. Je ne peux pas t'entendre. Et ce que tu attends d'eux, seul Allah peut te l'accorder. Donc, tu as fait quoi? Une adoration autre que Allah Azza wa Jal. Tu as fait du shirk, le pire des péchés. Tu t'en rends même pas compte. Ce que tu as fait là, c'est pire que tuer quelqu'un. Parce que pour vous, dès qu'on leur demande c'est quoi le pire des péchés, les gens disent quoi en général? Le meurtre. Tu vois? Le meurtre. Une fois pareil, j'ai eu un débat avec quelqu'un, il me dit le meurtre, juste après il me fait, je touche du bois. Je dis, bah, ça là, ça c'est pire que le meurtre que t'as fait là. Le bois, il va faire quoi pour toi? Qu'est-ce qu'il va faire le bois pour toi? C'est un bout de bois, il y a un meurtre, il a aucune volonté, aucune raison, il n'a rien, il peut rien faire pour toi. Tu vois? Ou déjà, ils vont dire, je croise les doigts. Tu croises des choses que Allah, il a créées. Faire ça, ça t'apporte quoi de faire croiser les doigts? Ça t'apporte quoi? Ça t'apporte de la chance? Ça t'évite un malheur? Sûrement pas, au contraire. Ça va t'apporter le plus grand des malheurs, après la mort. Ou comme des gens, lorsque tu connais la superstition, casser un miroir, 7 ans de malheur. Je lui dis casser un miroir, c'est rien du tout. Mais croire qu'il va t'apporter 7 ans de malheur, tu risques d'avoir tes 7 ans de malheur et voire plus encore. Pourquoi? Parce que ta croyance, c'est chère qu'il y a. Tu vois? Donc cette croyance-là va te coûter le malheur en ce bas monde. Et pire dans l'au-delà, si tu meurs là-dessus, avec cette croyance-là. Le miroir, il peut tomber 10 fois, 1000 fois, il va rien t'arriver. Ton fer de à cheval là, tu peux croire, il va rien t'apporter. Ton trèfle à quatre feuilles, il va rien t'apporter. Vendredi 13, il va rien t'arriver. Passer sous l'échelle, il va rien t'arriver. Ces croyances-là, elles sont les pires des péchés. Et pourtant, ce sont les croyances les plus propagées dans le monde. Pire que le meurtre. Les gens font plus de shirk qu'ils font de meurtre. C'est pas tout le monde qui tue des gens. Mais quasiment tout le monde fait du shirk. Malheureusement, il est marham Allah, et ceux-là sont les croyants, les muwahidoun, les vrais. Les autres personnes, ils font tous du shirk. Souvent, les gens demandent, est-ce qu'on peut différencier entre le shirk et le kufr? On dit oui et non. Il y a des ulama, ils voient que c'est pareil. Et d'autres ulama, ils disent non. Par exemple, ils vont dire que se moquer de la religion, c'est du kufr, c'est pas du shirk. Mais, en tombant dans le kufr, tu vas arriver au shirk. Inévitablement. Pourquoi? Comme on l'a dit au début, tu as été créé pourquoi? Pour adorer Allah, Azza wa Jal. Donc le fait d'adorer, ça a été mis en toi, c'est là. Ça a été mis en toi, c'est là. Le fait de vouer un culte, c'est en toi. Si tu ne mets pas à sa place, tu vas le mettre ailleurs. Mais obligé, tu vas adorer. Déjà, on va dire, j'adore rien. Si tu adores, mais tu t'en rends pas compte. Tu as espoir en des choses. Tu as peur de choses. Tu demandes à des choses. Tu attends de choses. Ces choses-là, elles ne pourront pas t'apporter ce que cela peut t'apporter. Et on est en place de cet espoir, ces choses-là. Tu as fait une adoration. Tu t'en rends même pas compte. Les gens, tu vas les voir souvent, même les athées, hein. Quand ils ont un problème, tu vas en voir dire, par exemple, dans un avion, il va tomber, il va dire, oh mon Dieu, il va lever les yeux au ciel. Tu vois, tu crois maintenant. Pourquoi est-ce que c'est en toi, à la base? Ce rububiya, cette croyance, elle est en toi. Cependant, en refusant de croire en ton Seigneur, eh ben, cette adoration que tu as en toi, tu vas la placer ailleurs. Mais le shirk, tu vas le faire, c'est obligatoire. Donc, tout kafir sera mushrik. Et tout mushrik est kafir. C'est inévitable. Ça va ensemble. Pas même tout. Pas mieux. Qu'est-ce que ça arrive? 45. 20h45. Pas mieux. Et là, il n'y a pas longtemps, j'avais fait un rappel avec des frères qui n'a pas été enregistré. Et dedans, ils m'ont dit, ils n'étaient pas nombreux, ils m'ont conseillé de le refaire, de l'enregistrer. D'accord? De l'enregistrer. Pour que ce soit un conseil pour les frères de façon générale, surtout ici en France. Et c'est un peu lié avec ce qu'on a dit tout à l'heure, par rapport à la niyya, l'intention et l'adoration. C'est qu'en fait, ici en France, on a beaucoup été imprégné de cet esprit de laïcité. Tu vas voir chez des musulmans faire des choses au masjid. Et quand ils sortent, ils deviennent différents. On dit ça, c'est khata. Ça, c'est une erreur. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que crains Allah où que tu sois et en toutes circonstances. Au masjid, à la maison, dans ta voiture, même aux toilettes. Avant de rentrer, tu fais le doigt. Tu fais tes besoins d'une façon particulière. Tu te d'une façon particulière. Tu en sors. Ou à casa. Bien sûr qu'au masjid, tu as des choses que tu vas faire au masjid. Qui sont propres au masjid. C'est vrai. Tu vas pas te comporter dans ta maison comme au masjid. C'est certain. En dehors de cela, tu es la même personne. D'accord? Et parmi les choses, par exemple, qui malheureusement vivent dans ce pays ou amènent une défaillance, c'est que certains actes qui soient obligatoires d'une part et recommandés sont beaucoup délaissés alors qu'ils sont faciles et apportent beaucoup de ajr. et ont des grandes, grandes, grandes vertus. Mais ça l'aide, nous, en tant que musulmans, qui qu'on soit, que tu sois un savant, que tu sois un étudiant, que tu sois un cuisinier, que tu sois un mécanicien, que tu sois un chômeur, à partir du moment où tu es musulman, sache que tu as ta part de da'wa aux yeux des gens. Le koufar te regarde, que tu le veuilles ou non. Tu portes une da'wa sur toi. Quand les gens voient, tu es un musulman, par tes actes, par ton comportement, par ton attitude, d'accord, tu dois te différencier du kafir. Pourquoi? Car il faut qu'il voit qu'il y a une différence entre toi et lui. Et que ce sur quoi tu es, il doit également t'y rejoindre. Mais pour cela, il faut l'attirer. Il faut lui donner envie. Et surtout, pour qu'il ait envie, il faut qu'il se d'avoir, qu'il voit que tu es différent de lui. S'il voit que tu es comme lui, il va pas d'avoir, il va dire, mais il a quoi de plus que moi, lui? Ce que je fais, il le fait. Comment je suis, il est comme moi. Ce que je dis, il le dit. Ce que je mange, il mange. D'accord? Donc je vois pas de différence. Pourquoi je vais aller faire comme avoir sa religion alors que de base je vois que lui et moi on est pareil. Parce qu'il connaît pas ces histoires de attention, ce genre de détails, il connaît pas. Mais quoi qu'il en soit, lui il juge l'apparent. Donc qu'est-ce qu'il voit devant lui? Il va voir un musulman. Mais quand il le regarde, il dit je vois un monsieur tout le monde. Il est comme moi. Quand il me voit, il me dit bonjour, il me sourit. D'accord? Je le vois, il fait telle et telle chose. Des choses qu'on me dit que c'est interdit de le faire et je vois il le fait aussi tout le temps. Donc je vois pas où est la différence entre moi et lui. Donc tu portes ta part de, tu as ta part de da'wa. Donc tout comme tu peux attirer les gens juste par ton comportement en appliquant la religion, tu peux les faire fuir également. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai lu une parole de Cheikh Taqiyuddin al-Hilali. Il a dit que le plus grand obstacle aujourd'hui aux gens, ce qui les empêche de rentrer en islam, le plus grand obstacle, c'est nous. C'est les musulmans. Qu'on leur donne pas envie. Comment on se comporte, comment on est, on leur donne pas envie. On les attire pas. Au contraire, on les fait fuir. Ils ne voient pas cette différence qu'il y a entre nous et eux. Et le bien qui est en nous, il n'est pas très apparent, parce que souvent il est dans les cœurs, donc voilà. Et le mal, il est apparent direct, flagrant. Et souvent, les ulama qu'on parle, le croyant, et principalement l'homme pieux, ou même le talib, à un camis blanc, un vêtement blanc. D'où le fait que d'ailleurs en islam, le vêtement préféré qu'on doit avoir, c'est le blanc. Pourquoi? Car le blanc, la moindre tache, elle se voit tout de suite. Donc le croyant est à l'exemple du vêtement blanc. La moindre erreur, on va la voir tout de suite. Et les gens vont dire, ah, regarde, voilà, ça c'est un musulman ça, regarde. Donc il va faire une faute tout de suite, il va pointer du doigt. Ben, c'est comme demain, t'as un camis blanc, tu te taches, une petite tache. C'est-à-dire que t'es sale. T'as une tache qui est arrivée. Tache d'encre. Tache de sauce. T'as mangé, t'étais propre, t'es taché. T'as une tache, là, c'est bon, elle est flagrante. Est-ce que ça veut dire que t'es quelqu'un de sale à la base? Tout le monde se tache. Seulement sur le blanc, ça se voit tout de suite. On trouve un vêtement noir, il est de l'huile ici, du jus ici, de la sauce ici, mais ça se voit pas, parce que son vêtement, il est pas blanc. Lui, il est sale. Mais ça se voit pas sur lui. Mais toi, la moindre tâche, ça se voit direct. Là, tu lui dis, toi, t'es plus sale que moi, mais comme t'as un vêtement de couleur sombre, ça se voit pas. Mais moi, ça se voit tout de suite. Vous voyez? Donc là où je voulais en venir, par rapport au fait, justement, qu'on doit se différencier des koufars. Et d'ailleurs, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man tashaba abikum wa minhum, ceux qui ressemblent à un peuple, il en fait partie. On a des choses dans notre religion qui sont soit obligatoires, soit recommandées, permises, détestable ou interdite. D'accord? Et toutes, on peut en tirer une récompense. L'obligatoire, on le fait qu'une niya, on est récompensé. Le recommandé, on le fait qu'une niya, on est récompensé. On le fait pas, on n'a rien. Le permis, si on met une niya, de le faire pour plaire à Allah, une chose permise, comme on l'a dit au début, on est récompensé. Le détestable, on le délaisse pour plaire à Allah. D'accord? Si on le fait, on n'a pas de péché, mais si on le délaisse pour Allah, on est récompensé. Et le haram, faut qu'on le délaisse. Et le tout tourne autour de la niya. D'accord? Donc là, il y a un fadl. Je vois qu'ici, on délaisse beaucoup, et principalement en France. Et là, je vais parler des frères en particulier. C'est le port du kamis. Le port du kamis, il rentre dans le recommandé. Porter un kamis n'est pas obligatoire. Porter un kamis n'est pas obligatoire. Mais, ici, dans un pays comme la France, c'est un vêtement qui va entrer dans la démarcation, justement. avec les koufars. À la base, c'est pas interdit par les lois, porter un kamis. Et la seule chose que tu risques d'avoir, c'est des mauvais regards. De certaines personnes, pas tout le monde. Certaines personnes. Et c'est un regard, c'est rien. C'est un regard, c'est rien. À la base, que les juifs et les chrétiens ne seront satisfaits de toi que lorsque tu suivras leur religion. Donc même si tu lèves ton kamis, tu seras musulman, tu vas pas leur plaire. De toute façon. Dès qu'ils sont musulman, tu vas pas leur plaire. Et aujourd'hui, je vois par exemple beaucoup de frères, mashallah, les hayal est là. Et porte le salawil, par exemple, en dessous. D'accord, moi, je veux que le salawil, c'est permis. Il y a des ulama, ils voient que c'est pas permis. Au Yémen, chez nous, les ulama, les machins, voient que c'est pas permis. Le salawil tout seul, ils voient que c'est pas permis. Mais le col sahih, pour moi, c'est que c'est permis. Ça reste un vêtement légiféré. Et les frères, ils vont avoir la barbe, les hayal, mashallah. Vous voyez? Mais aujourd'hui, regardez la mode. Elle est où la mode? Même chez les koufars. C'est la barbe. Beaucoup d'entre eux ont une barbe, une vraie barbe, qui n'est pas taillée. Une vraie barbe. Et moi, je l'ai déjà vu dans la rue. Je me trouve de face à des gens, ben, je sais plus qui j'ai devant moi. Même un frère qui est là avec sa barbe en sarawil, je vais pas faire attention que c'est un sarawil. Ça peut être un, parce que les sarawil maintenant sont tellement fashion que tu arrives même peu à distinguer que c'est pas un pantalon. Donc, tu le distingues pas qui t'as devant toi. Tu sais pas qui t'as devant toi en réalité. À part si vraiment tu fais attention. Et normalement, le muslim, c'est une chose qui est flagrante. C'est-à-dire que son identité islamique, il l'affiche tout de suite. Comme ça, on sait, ok, on a affaire. Donc, demain, tu vois un frère avec l'ihya en sarawil ou au pantalon, tu sauras pas qui il est forcément. Mais tu verras demain en kamis, même rasé, tu sauras à qui t'as affaire. Même s'il est rasé, hein. Il porte le kamis, ce vêtement-là, tu sais que c'est le vêtement du musulman. Les koufars ne portent pas de kamis. Il ne sent Allah, il n'y a pas que ça devienne une mode plus tard et qu'ils se mettent à les faire, des kamis, et que tout le monde les porte. Là, ce serait une moussiba à ce moment-là. C'est possible que ça arrive, hein. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc aujourd'hui, en portant ton kamis, les gens voient qui tu es. Musulman. Donc de là, tu te démarques. Quand tu vas faire un bien, ils vont le voir. Tu vas au mosquée tous les jours, ils vont le voir. Tu fais un acte de bien dans la rue, pour aider quelqu'un ou quoi, ils vont le voir. Tu t'exprimes bien, ils vont le voir. D'accord? T'évites les choses mauvaises, ils vont le voir. Par exemple, l'autre jour, on en parlait avec des frères, je monte dans le bus, je suis assis comme ça en camis, il n'y a aucune femme qui vient s'asseoir à côté de moi. Un frère va venir normal, sans pas en camis, elle pourra s'asseoir à côté de lui. Même fitna. Ton kamis, il te fait office de protection. Les gens disent, on sait à qui on a affaire. Tu vas dans un magasin, je l'ai vu de propre aux yeux, je paye, je rends la monnaie, la caissière, je mets ma main, elle pose sa main au-dessus pour pas me toucher. Sans que je lui dise, ne me touche pas. Elle sait, elle me voit, elle sait. Elle voit le frère en casa, en prenant la sunna, elle sait à qui elle a affaire. Tout de suite. Donc, en fait, c'est un message que tu donnes aux gens. Tu dis, je suis musulman. Tu vois? Donc, comme je suis musulman, forcément, ils auront un comportement avec toi. Ça peut être haineux, c'est vrai. Tout comme ça peut être intrigue, tu vois, que ça peut être attirance. Donc, quand tu attires les gens qui entrent en islam, tu sais le âge que tu as? Sans que tu aies à les appeler, ils t'observent, les gens. Ils te regardent. Quand le musulman passe, les gens le regardent. Ils l'observent. Qu'est-ce qu'il fait? T'en as, ils attendent que tu fasses une erreur pour te critiquer. Et des fois, bah, ils trouvent rien. Tu vois? Juste la petite tache, comme on dit sur camis blanc, la petite tache de sauce, là, vite fait. Tu dis, c'est rien, ça c'est une tâche, une tâche en mangeant, c'est rien. Je parle de l'image du camis blanc par rapport aux croyants. Tu vois. Donc, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et Ali ibn Abi Talib, l'an yadi Allahu, ala yadeik, rajulan wahidan, khayrun laka min humr ni'am. Que Allah guide par ta cause une seule personne est meilleure pour toi que les chameaux rouges qui étaient les richesses des Arabes à l'époque. C'est-à-dire que toi, les gens te voyant, tu ne sais même pas, tu attires des gens à l'islam. Comme on a dit au début, tu es un prédicateur en toi-même. Sans parler, sans venir avec des versets, sans venir avec des hadiths, juste de loin agir, les gens t'observent. Et plus de gens te voient dans la journée que il y a des gens à qui tu parles. Tu parles à combien de personnes dans la journée, en général? Et Allah, au maximum, allez, 30 personnes, on va dire. Combien te voient dans la journée? Peut-être des milliers. Imagine ces gens-là, parmi eux, les gens te voient, t'observent, tu les attires. Tous les jours, parmi tes voisins, parmi les gens de ton entourage, tu les connais même pas, ils te regardent, tous les jours. Tu vois, ils s'en foutent, ils parlent de toi, tu le sais même pas. Certains en bien, d'autres en mal, c'est vrai. Comme on l'a dit, le mal, c'est les koufars, là-bas, c'est qu'ils t'aiment pas. Mais si jamais tu les attires par l'islam, par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man da'a ila huda, kana lahu min ajr man tabi'ahu, misl ujurihim, wa lan yanqus dhalika min ujurihim shay'an. Que celui qui appelle est guidé. Cette guidée, ça peut être par la parole, ça peut être par ses actes, d'accord ? Il aura la récompense de ceux qui l'auront suivi, sans que cela ne réduise leur récompense. C'est-à-dire que les gens te voient et tu es une guidée pour eux. Tu leur montres qu'en fait, il y a un autre mode de vie que le leur. Vous vivez comme ça, nous on vit différemment et notre vie à nous, elle est meilleure. Notre vie à nous, elle est meilleure. Même si on a des problèmes comme tout le monde, on a de la peur comme tout le monde, des soucis comme tout le monde, d'accord ? Des moments d'angoisse comme tout le monde, cependant, le cœur, il est apaisé. Pourquoi ? Bil iman. Ala bi zikrillahi tatma'innu al-qulub. Ce qui est par le zikr d'Allah que les cœurs s'apaisent. Et ça, les koufars, ils l'ont pas, ça. Et aujourd'hui, les gens le cherchent. Regardez bien comment les gens les vivent, ils cherchent aujourd'hui. Ils cherchent plein de systèmes pour s'apaiser. Ils appellent ça comment ? Développement personnel. Ils cherchent, ils vont voir un coach spirituel, là, je sais pas comment ils appellent ça, là, un coach qui t'apprend à vivre, soi-disant. Un psychiatre, tout. Ils cherchent quoi ? Ils cherchent le bien-être. Ce bien-être, il est là. Mais le train, vous avez déraillé, vous êtes sorti des rails. Vous êtes parti, vous arrivez à Toulouse, vous êtes arrivé à Marseille. Mais le bien-être, il est là. Il est où ? Il y mène dans la foi. Et cette foi-là, qui est-ce qui la porte ? C'est vous qui la portez. Cette foi-là, faut attirer les gens. Donc déjà, faut que, d'un premier abord, ils voient que tu n'es pas comme eux. Pour qu'ils voient que toi, si tu n'es pas comme eux extérieurement, que tu n'es pas comme eux intérieurement également. Pourquoi tu te différencies d'eux ? Ils veulent savoir, qu'est-ce que tu as comme bien, que moi je n'ai pas en fait. Et t'en as, ils vont te demander. Quand tu veux leur expliquer, ça va leur plaire. D'autres, bien sûr, ils vont te combattre. Donc pour revenir en camis, sachez que ce camis, mes frères, on ne porte pas comme masjid. Le camis, quand on peut le porter, on le porte autant qu'on peut, tout le temps, même si c'est pas obligatoire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il était Aïcha, tout finan Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ali thalath thiyab bid wa suhuliyya, laysa Ali kamis wa la imam. Elle a dit quoi, Aïcha ? Elle a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été enterré dans trois vêtements blancs. Suhuliyya, c'est un étoffe yéminite. Elle a dit, il ne portait ni de kamis, ni de imam. Qu'est-ce qu'on comprend du hadith ? Qu'en dehors dans sa vie, il portait le kamis et l'imam. Si dans sa mort, elle a précisé qu'il ne portait pas ça, à ce moment-là de sa mort, c'est que de son vivant, il le portait tout le temps. Ou très fréquemment. Vous voyez ? Et aussi, un fadl, une faïda que j'avais entendue par rapport au kamis, dans le Coran, Allah Azzawajal en parle dans trois moments de mérite, moments grandioses, le kamis. Surat Yusuf. Surat de Yusuf. Regardez bien comment le kamis a été fait à Yusuf. Comment est-ce que son père a su que ses frères lui mentaient? Wadjaou, les kamisi à la Damine Kazim, qui sont venus voir leur père avec un kamis avec du sang, du faux sang. Première chose, il a vu le kamis. Et le moufassil dit que le kamis n'était pas déchiré, il y a juste du sang dessus. En rendant le kamis, comment un loup a mangé un enfant, le kamis il est encore présent, il n'y a pas de trou dedans. Donc première chose, premier indice, le kamis. Deuxième chose, lorsque Youssouf a été séduit, sa maîtresse a voulu le séduire. Fakadat kamis aumin de Bourin. Lorsqu'il a voulu aller vers la porte, elle a attrapé son kamis, elle l'a déchiré par derrière. Après, ils ont voulu juger. Quand elle a dit, c'est elle qui a voulu me séduire. Elle a dit, non, c'est lui qui a voulu m'avoir. Ils ont dit quoi ? In kana kamisu kuddamin kubulin, fasadakat wa mlekazibin. In kana kamisu kuddamin duburin, fakazabat wa mlekazibin. Ils ont dit, regarde son kamis. S'il est déchiré de devant, c'est que c'est lui qui est venu vers elle, elle a voulu se débattre. Donc c'est lui qui ment, c'est qui a raison. Et s'il était déchiré par derrière, c'est qu'elle a voulu partir vraiment, elle a voulu retenir, elle a déchiré. Quand ils ont vu son kamis était déchiré par derrière, ils ont vu que c'est elle qui mentait. Donc son kamis, deuxième fois, ça a été une folle, une façon de l'innocenter. Bien qu'il ait été lésé, mis en prison quand même. Troisième fadl. Il a dit quoi à la fin, le Youssouf, quand il a vu ses frères qui leur expliquaient. Il a dit, prenez mon kamis, celui-ci, et jetez-le sur le visage de mon père, il va redevenir, voyant. Regardez bien le kamis. Prenez mon kamis, mettez-le sur le visage de mon père, il va redevenir voyant. Et finalement, ça s'est passé. Donc, regardez le kamis. Dans le kamis, cité trois fois en protection pour Youssouf. Et on disait tout à l'heure, par rapport au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui le portait de son vivant, regardez Youssouf. Première étape, le kamis, il l'a porté quand ? Quand le sang a été trouvé dessus, soi-disant, il était petit. Deuxième étape, avec la femme, il était comment ? C'était un jeune homme. Troisième étape, avec ses frères, il était plus âgé. C'est-à-dire, toute sa vie, il a porté. C'est pas, il est arrivé à un moment d'adoration, mais le kamis, après, il est fini, il l'enlève. Non, il le portait tout le temps. Il l'a porté petit, il l'a porté jeune homme, il l'a porté adulte. Et notre exemple sont les prophètes, de base. Donc ce qu'on dit, quand tu vis en mosjid et que tu te changes, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'à la base, ta salat, tu l'as fait comme tu es. T'as pas changé. Les sahabes ne changeaient pas quand ils arrivaient au mosjid. Ils venaient comme ils étaient. Juste, tu fais l'ozo, ou si tu es sali, t'as une odeur sur toi pour ton travail ou quoi, tu te changes. Sans quoi, quand tu vis au mosjid, t'es comme tu es d'habitude. T'as pas changé. Le vêtement que tu portes quand t'arrives au mosjid, c'est le même que t'es quand tu fais la salat. Même temps, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, déjà fait hadith, lorsqu'il arrivait à la Médina, que dès que l'heure de la salat elle arrivait, il faisait salat direct. Il ne se changeait pas. Pourquoi? Car de base, il était habillé de sorte à plaire à Allah azawajal et un vêtement qui lui permet de faire la salat. Alors que le pantalon, par exemple, le pantalon, c'est un vêtement, selon la vie authentique, c'est un tachabol bikoufar. Ça ressemble au vêtement des koufars. Et Cheikh Al-Bani dit que, en plus, lorsqu'il est serré, que la salat elle n'est pas valide. Pourquoi? Car ça dévoile tes formes. Lui, il voit, il comparait cela à un homme qui avait de la peinture sur lui. Comme si tu étais nu, en fait, avec de la peinture sur toi, en fait. Mais tes formes, elles apparaissent. Elles apparaissent. C'est pour ça que tu vois beaucoup de gens, ils mettent le kamis dans le mosjid, ils l'accrochent, quand ils vont pour la salat, ils le mettent. On dit, à la base, tu viens prêt pour la salat. Que ce soit un kamis, que ce soit un izar, ou même un sarawil, d'accord? Mais tu as un vêtement qui est déjà propre à la salat, dans lequel qui est mashrou' à légiférer, et qui ressemble pas à celui des koufars, d'accord? Et qui, en plus, qui plaît à Allah Azzawajal. Ça revient à l'intention de tout à l'heure qu'on a dit. Même quand tu t'habilles, t'as ibad à l'adoration. Et tu prends du hajj. Et crois-moi bien que t'as plus de hajj à porter un kamis qu'à porter un pantalon. Mikathir. Et même plus de hajj à porter un kamis qu'à sarawil. Également. Pour les vertus citées auparavant. Car il faut que tu aies nia aussi quand tu portes le kamis. De ressembler au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quoi que tu fasses comme chose, t'as une lignée de ressembler au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, t'es récompensé. Que ce soit le kamis, que ce soit la imama, que ce soit le izar, que ce soit quel que soit ce que tu portes, t'es récompensé. Même Tomahada, taïm. Donc à la base, j'ai déjà cité ce rappel à des frères, mais ils ont dit, ils voulaient que je répète, donc on a saisi l'occasion pour le répéter là. Et c'est là que t'as fait bien d'accord, l'yom, wa subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.